à midi, les anges mangent sur la nappe de l'azur la resplendissante orange du soleil bien mûr. Quand le repas est fini, c'est la nuit, à minuit les anges lavent leurs grandes ailes dorées à la fontaine suave de la Voie lactée. Quand le dernier sort du bain, c'est le matin, c'est le matin. Au printemps, les anges volent comme de jolis papiers en laissant leurs auréoles tomber à leurs pieds. Quand l'un de vous vole autour, c'est l'amour, c'est l'amour. En hiver, les anges paillent et sommeillent à demi. Ils s'étendent sur la paille comme des brebis. Quand le plus bavard s'endort, c'est la mort, c'est la mort. Alors, nous devenons tous des anges. On se réveille à midi devant la superbe du soleil qui luit. Quand le bon Dieu nous sourit, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.